Un éclair dans un ciel d'encre, une plaie qui s'ouvrira. Comme on a jailli d'un ventre, ébloui, on s'en ira. Une vie comme un rêve, elle s'achève, on l'oublie. On s'éveille dans l'autre monde, étonné d'avoir dormi. Un matin s'ouvre de lèvres sur un ciel encore plus grand. Un flambeau dans les ténèbres, comme un phare dans l'ouragan. Un matin les murs s'effondrent sur un vide encore plus loin. Pas d'écho pour nous répondre, un vent froid qui nous rejoint. Un matin on se rappelle le premier feu d'où l'on vient et l'élan originel qui nous a poussés si loin. Et puis c'est le grand silence, la dérive à l'infini. Le tourbillon recommence et s'éloigne au fond. Attiré hors de son antre, expulsé du fond de soi, comme on est sorti d'un ventre, étourdi, on s'en ira. Un voyage sans frontières qui commence dans le sang, entre l'ombre et la lumière, entre l'être et le néant.